Le soir d'un beau jour, par Albert Sim. Monsieur Benjamin Vincent, qu'on appelait couramment par toute la contrée, et pour le distinguer de ses homonymes Vincent Grosse-Tête, habitait dans les hauts quartiers de Farimont-sur-Ornain, sur la place Saint-Pierre, une élégante et aristocratique maison du XVIIIe siècle, une sorte de petit hôtel, dont chaque fenêtre avait sa balustrade en fer forgé, très artistement ouvrée. Ces balustrades, garnies en leur milieu d'un large écusson également en fer forgé, étaient même ce qui attirait tout d'abord les regards et vous frappait le plus à l'aspect de cette paisible, proprette, avenante et pimpante demeure. Il y avait près d'un demi-siècle que M. Vincent vivait là, tranquille et heureux, de la vie la plus régulière et la plus méthodique qu'on put imaginer. Levé chaque jour aux premières vibrations de la grosse cloche de la tour de l'horloge, c'est-à-dire l'été à 5 heures et l'hiver à 6, il s'attelait au travail aussitôt après avoir absorbé sa tasse de lait, restait plongé dans ses bouquins et ses paperasses jusqu'à midi, déjeunait ou plutôt dînait, pour employer le terme du pays, faisait sa sieste ensuite, puis, à moins que le temps ne fût trop mauvais, s'en allait jusqu'à son terrain de la route de Comble, un beau et vaste enclos avec petits bois et maisonnettes, rentrait à 7 heures pour se mettre à table, pour souper, et avant 10 heures, avait toujours rejoint son lit et trouvé le repos dans les bras de Morphée. Peu après sa sortie du collège, du vieux collège fondé au bas de la Côte des Prêtres par le doyen de Saint-Max, Gilles de Trèves, M. Benjamin Vincent, que son patrimoine dispensait de toute fonction et de tout servage, avait commis certains recueils de vers, les Liserons, suivi bientôt d'un poème épique et satirique, La Farimontade. Puis il avait dit adieu à la muse, publié un essai sur le devoir social, imposant et pesant in actovo, et tourné ses visées vers la politique. Mais à peine avait-il hasardé quelques pas dans ce marécage et approché le nez de ce guêpier qu'il s'enfuit, écœuré. C'était au lendemain de 1848. Après avoir lancé au Farimontois comme flèche de Parthe une lettre à mes concitoyens sur l'art de faire la parade et battre la grosse caisse, suivi d'instructions à l'usage des avaleurs de sabres, escamoteurs de muscades, danseurs de cordes, jongleurs indiens et icariens, etc. Avec cet épigraphe, « Ne saute point à demi, paillasse mon ami, saute pour tout le monde, Béranger. » Il rentra dans sa coquille, se confina dans sa bibliothèque et s'occupa de traduire les lettres à Lucilius de Sénèque. Il se mit ensuite à écrire des romans de mœurs, des romans dramatiques, sentimentaux et moraux. Véronique et Thérèse ou les charmes de l'amitié, un amour dans les bois, Jules et Julie ou c'est la faute du mari, pauvre mère, les épreuves de la fidélité, Zulma ou l'enfant de la montagne, etc. Qu'il publiait à ses frais, bien entendu, comme tous ses autres ouvrages, chez Tripotin-Rossignol, le grand éditeur de la rue de Rivoli. Durant plus de 30 années, M. Benjamin Vincent entassa livre sur livre dans cette maison, sans que le moindre succès vînt récompenser de si constants efforts, sans non plus que cette infortune persistante pût refroidir son zèle et lasser son courage. N'ayant que très peu de relations, autant dire même aucune, dans la presse parisienne, il laissait à M. Tripotin-Rossignol le soin de faire la publicité qu'il jugea nécessaire et de lancer le volume comme il l'entendrait. Or, comme M. Tripotin-Rossignol n'avait rien à perdre ici, ne courait absolument aucun risque avec de telles publications, et qu'il avait déjà prélevé un très sérieux bénéfice sur le montant de leur établissement, composition, papier, tirage, brochage, etc., il se gardait bien de débourser quoi que ce soit pour faire un sort à ces malheureux nouveau-nés et les laissait se débrouiller tout seuls, ou plutôt agoniser et mourir tout à leur aise. Une fois la chose finie, le décès constaté et enregistré, ce qui ne tardait jamais beaucoup, on faisait disparaître le petit cadavre de l'étalage et on l'envoyait rejoindre la ribambelle de frères aînés dans les sous-sols et magasins de la librairie. À Farimont même, les livres de M. Benjamin Vincent ne se vendaient pas et n'étaient guère connus que par ouï dire. D'abord parce qu'on n'a pas d'argent à perdre à Farimont, pas plus qu'ailleurs. Ensuite, parce que M. Vincent Grosse-Tête ne prenait même pas la peine d'adresser un exemplaire de ses productions à la bibliothèque municipale. Il écrivait pour lui, pour sa propre intime et unique satisfaction. Le reste, c'est-à-dire le succès, la vente, la gloire. Il n'en faisait pas fi, certes non, mais comme cela ne dépendait pas de lui et ne ressortissait qu'au public et à la chance, il s'en préoccupait peu et ne s'en tracassait nullement. Du reste, pour tous ses voisins, pour tout le monde à Farémont, c'était plus qu'un original que M. Vincent Grosse-Tête. On le considéra à peu près comme une espèce de fou ou de bête curieuse. Un homme qui écrit, c'est tout dire. Il n'en était pas moins le plus heureux des mortels. Avec sa taille exiguë, ses épaules rondes et massives, ce crâne puissant et protubérant qui lui avait valu son surnom, et qu'une forêt de cheveux blancs tout embroussaillés faisait paraître encore plus énorme, il avait une vigueur peu commune, une santé superbe, et ses 70 ans ne lui pesaient pas plus qu'un fétu. Il n'avait d'ailleurs, au milieu de ses études et élucubrations, dans sa ferveur pour les belles lettres, jamais trouvé le temps de se marier, et autre motif de scandale pour ses concitoyens, passait pour être mieux avec sa gouvernante, Mademoiselle Caroline, une robuste et plantureuse champenoise. C'est alors que M. Vincent Grosse-Tête était arrivé au soir de la vie et presque au terme de l'existence qu'un événement survint, qui mit le comble à sa félicité et couronna mérifiquement cette carrière. Chaque année, à la fin de mars généralement, l'heureux petit homme allait passer une quinzaine de jours à Paris. Il en profitait pour causer avec M. Tripotet Rossignol, non pas hélas de la vente de ses œuvres, mais de leur publication, des lenteurs incroyables, aussi bien que de l'incurie prodigieuse et des monstrueuses inepties de l'imprimeur. Quel savetier peut-on galvauder de la sorte ? Vous devez avoir beaucoup de place chez vous, M. Vincent, vous qui habitez la province, dit un jour M. Tripotin. Si je vous faisais expédier tout ce qui me reste en feuilles de vos livres, cela ne vous gênerait pas. Vous sauriez aisément où caser tout ce papier, et moi cela me rendrait un fier service, car je suis encombré au possible, plus moyen de se retourner ici, à moins que... Oui, j'aurai encore une autre combinaison à vous proposer, reprit soudain le grand éditeur. Il m'arrive fréquemment d'envoyer à l'étranger, au Mexique ou à Sydney, ou dans l'Amérique du Sud, des stocks d'ouvrages dont la vente est terminée chez nous, irrémédiablement close. C'est un peu le cas, il faut bien nous l'avouer, de quelques-uns de vos ouvrages. De tous, rectifia M. Vincent avec le plus aimable sourire. Eh bien, voulez-vous que j'envoie là-bas le reliquat de 3 ou 4 de vos romans, des plus anciens ? Je vous paierai cela. Oh, pas cher, bien entendu. Je ne peux pas les vendre plus de 50 centimes l'exemplaire, et j'ai encore les frais de brochage et de transport à ma charge. Ainsi, vous voyez, en vous donnant 20 centimes par volume, ce qui me reste de bénéfice. M. Vincent, qui n'était nullement préparé à cette proposition, demanda à son éditeur quelques jours pour réfléchir. Expédié au-delà des mers, tout en bloc, par ballot, et pour se débarrasser d'eux à jamais, ces livres qui lui avaient coûté tant d'efforts, qu'il avait pris tant de peine et tant de plaisir aussi à concevoir et enfanter, à façonner, adorner et mignoter, se séparer pour toujours de ses chers fils de sa benne, ou bien les laisser se morfondre et moisir au fond de son grenier, les avoir enfuis et pourrissant dans l'humide obscurité de quelques recoins, abandonnés aux souris d'abord, et plus tard, quand il ne serait plus là pour les abriter et les défendre, dépecer, déchirer, disperser chez tous les détaillants, puis transformer en cornets et en sacs. Non, mieux valait encore les embarquer pour la Cochinchine ou le Brésil, en faire cadeau au Patagon, au Jabanais ou au Kanak. Il accepta donc l'offre de son éditeur, et il fut convenu entre eux que les reliquats de 3 de ses romans, Pauvre mère, Les épreuves de la fidélité, Les débuts d'Ursule ou Le rêve d'une modiste, sauf 100 d'exemplaires de chacun d'eux, que par un dernier scrupule, un excès de tendresse et de faiblesse, l'auteur s'obstina à conserver, deviendrait la propriété de M. Tripotin Rossignol et serait vendu par lui, ou bon lui semblerait, mais hors de France toutefois. C'est en se tenant, tant M. Tripotin aimait à procéder régulièrement et royalement, le prix de cette cession, 722 francs 40, représentant 3612 exemplaires, fut versé entre les mains de M. Benjamin Vincent. Le surlendemain, notre philosophe avait regagné ses pénates, sa quête et coquette demeure de la place Saint-Pierre, et s'était remis à son travail un autre roman de mœurs, Amante ou épouse. Il y avait près de 10 mois que ce marché avait été conclu et cet envoi effectué, quand un beau matin, une lettre toute criblée de timbres exotiques parvint, par l'intermédiaire de l'éditeur Tripotin Rossignol, à M. Benjamin Vincent. Cette lettre était datée de l'île Santa Felicidad, est signée Rosalia Dominguez. Monsieur et éminentissime maître, lui écrivait cette dame, dans un français qui n'était pas toujours absolument correct, mais ne laissait pas d'avoir sa saveur. Je n'ai pu lire vos deux ouvrages, Les épreuves de la fidélité et Pauvre mère, sans me sentir ému jusqu'au fond de l'âme et instinctivement poussé à vous faire l'aveu de cette violente et si douce émotion, à vous en remercier et vous présenter l'hommage de toute mon admiration. Comme vous connaissez bien le cœur de l'homme, illustrissime maître, le cœur de la femme surtout. Avec quelle délicatesse et quelle sûreté demain vous l'analysez, et avec quelle vive couleur, quel riche et splendide pinceau vous le dépeignez, le faites vivre et palpiter. C'était, excusez l'ignorance et l'éloignement d'une pauvre sauvagesse, c'était les deux premiers livres que je lisais de vous, et j'étais tout de suite, dès la première page, comme saisi et dominé par un charme, transporté dans les régions qui m'étaient inconnues. Jamais personne n'avait tenu un tel langage à M. Benjamin Vincent. Jamais l'excellent homme ne s'était trouvé à pareille fête. Il la relisait et la relisait, cette enthousiaste missive, les plaies, l'épluchait, la savourait. Il n'en revenait pas. Oui, c'était bien à lui qu'elle était adressée. Et toutes ses louanges, ses remerciements, cet hymne d'admiration, tout cela était bien sincère. Il n'y avait pas à en douter. Chaque ligne, chaque mot l'attestait. Enfin, je n'ai donc pas perdu ma peine, se disait-il pour conclure. Le labeur de toute ma vie n'aura donc pas été stérile. Je sais que là-bas j'ai fait tressaillir une créature de Dieu. J'ai consolé, réjoui et attendri une noble et délicate intelligence, conquis une âme. 6 semaines plus tard, 2 autres lettres du même genre, et provenant encore de 2 habitantes de cette île Santa Felicitad, lui parvinrent. En même temps, M. Tripotin Rossignol le priait de vouloir bien lui céder, dans les mêmes conditions que précédemment, 5 autres de ses romans, formant un total de 7150 exemplaires en feuilles. M. Vincent commença par remercier ses 2 nouvelles admiratrices, comme il avait remercié la première, en leur exprimant, à travers un inévitable embarras, toute sa joie et sa fierté, à l'idée qu'il avait exercé quelque heureuse influence sur des esprits aussi distingués que le leur, qu'il s'était acquis d'aussi enviables et précieuses sympathies. Puis il écrivit à M. Tripotin Rossignol que la date de son voyage annuel étant toute prochaine, il irait le voir sous peu de jours et répondrait verbalement à son offre. Lors de cette entrevue, M. Benjamin Vincent ne manqua pas de parler à son éditeur des 3 charmantes lettres qu'il avait reçues et les lui mit même sous les yeux pour qu'il n'en doutât point. Il est certain que l'envoi fait l'an dernier à Valparaiso a porté coup. Oh, un petit coup, s'empressa d'ajouter M. Tripotin. Il m'est arrivé à moi aussi, diverses lettres de ce pays à votre sujet, des demandes de vos autres volumes, que j'ai vendu au prix fort, cela va sans dire. De sorte que votre compte va se trouver en hausse cette année, M. Vincent. Mais bien que ce ne soit pas la première fois que je vois se produire un de ces succès d'outre-mer, non, ce n'est pas la première fois, reprit-il pour répondre à une interruption de M. Vincent. Les lecteurs, et surtout les lectrices de là-bas, j'en demande pardon à M. de la Palice, ne sont pas les mêmes que chez nous. On a, dans ces climats lointains, d'autres façons d'observer, de sentir, d'aimer, de lire aussi. C'est tellement vrai, tenez, que j'ai d'excellents auteurs, que je vends ici comme du pain, et que je n'ai jamais pu faire prendre au Brésil ni au Chili, jamais. Voilà Tourbal, par exemple, que je tire à 15 ou 20 000. D'Ozenberg, que je tire à 50 000, oui, D'Ozenberg lui-même. Je suis sûr que l'Amérique du Sud n'achète pas 10 volumes de leurs œuvres par année. Dans l'Amérique du Nord, aux États-Unis, autre anomalie. C'est Paul de Kock qui est l'auteur français le plus traduit et le plus apprécié. Balzac, le grand Balzac, est méconnu, dédaigné et méprisé. Personne n'en veut. Personne non plus là-bas ne veut de Dickens, qui a tant d'admirateurs chez nous. Maintenant, il ne faut pas vous faire d'illusions, monsieur Vincent. Allez-vous figurer que vos 3 romans se seraient écoulés si nous les avions laissés à 3,50? Non, c'est le rabais d'abord, le fort rabais qui les a fait vendre. Excusez ma franchise. Continuez, monsieur Tripotin, continuez. Et voilà pourquoi je vous demande aujourd'hui de renouveler l'expérience que nous avons tentée l'an passé. Bien que monsieur Vincent ne fût pas un homme d'argent, il tint néanmoins à débattre quelque peu ses intérêts, et il fit comprendre à M. Tripotin Rossignol que puisque l'expérience de l'année précédente avait réussi, il serait équitable de ne pas maintenir aujourd'hui ce chiffre dérisoire de 20 centimes. Mais j'ai des frais énormes, monsieur Vincent. Vous oubliez qu'il faut que je fasse brocher tout ce papier et les couvertures, à mon compte encore, et l'emballage, et le port. » Il consentit néanmoins à donner 35 centimes par exemplaire, mais rien de plus, pas moyen, absolument pas. Et un amour dans les bois, Marcelin ou les malheurs de l'adultère, Ange déchu, Zulma ou l'enfant de la montagne, et Jules et Julie ou c'est la faute du mari, prirent bientôt le même chemin que leurs aînés, et s'en allèrent charmer les mêmes jolis yeux noirs, faire tressaillir d'allégresse et d'ivresse les mêmes chaleureux cœurs. Et bientôt aussi les lettres, toutes bariolées d'empreintes postales, d'affluer dans la petite maison de la place Saint-Pierre. Les éloges dithyrambiques, les hommages de gratitude, les effusions d'enthousiasme et de ravissement, de tomber comme une pluie de fleurs sur la tête, la bonne grosse tête blanche de M. Vincent. Des déclarations d'amour et des plus ardentes, embrasées de tous les feux du tropique, lui arrivaient même et par paquets, par monceaux. Il y avait notamment, outre la seigneur à Rosalia Dominguez qui avait ouvert la marche, une Higuina Maldini, une Concha González, une Paquita Guerrero et une Carmen de Lorenzo, qui, à chaque courrier, le bombardaient d'épîtres incendiaires. Elle lui avait, elle et bien d'autres, transmis leurs photographies et elle le suppliait de leur octroyer la sienne. « Je suis certaine, chérie Augustomètre, lui écrivait chacune d'elles à peu près dans les mêmes termes, que vous êtes, au physique comme dans vos livres, le plus séduisant, le plus irrésistible des hommes. Quel cortège d'admiratrices, de victimes, vous devez traîner après vous. Il faudrait que les femmes françaises fussent dépourvues de cœur et d'âme pour ne pas être folles de vous et briguer l'honneur de vivre à vos pieds. Sûrement vous êtes jeune encore, malgré tant d'œuvres si artistement élaborées, si parfaites. Vous n'avez pas dépassé 40 ans. Vous devez être d'une taille élancée, posséder une tournure élégante et robuste, l'air mâle, puissant et doux, empreint de fierté et de bonté à la fois, tout à fait aristocratique. Vous portez, j'en juge d'après plusieurs de vos personnages de prédilection, la moustache relevée en croc, comme un mousquetaire, et une fine barbiche que vous vous plaisez à tortiller. La florissante et majestueuse champenoise Caroline, en qui se résumait tout le cortège des adoratrices et victimes de l'auguste maître, ayant mis la main par hasard sur quelqu'une de ses lettres, finit par s'écrier « Ah ça! Mais qu'est-ce que donc que toutes ces bêtises-là qu'on vous écrit de si loin ?» Les ouvrages de M. Benjamin Vincent avaient, pour employer l'expression de M. Tripotin Rossignol, si bien porté coup dans ces lointaines régions, que cet intelligent éditeur s'avisa de rappeler à l'auteur qu'il avait un roman sur le chantier, amante ou épouse, et de le prier de rater l'achèvement. « J'aurais dessein, lui marquait-il encore, de placer en tête de ce volume votre portrait gravé ou reproduit en guillotage, ainsi que votre notice biographique. Portraits et notices me sont fréquemment demandés par vos lecteurs d'Amérique. Je vous serai donc infiniment obligé, cher monsieur, de m'envoyer le plus tôt possible les éléments de cette notice et celles de vos photographies qui vous agréent le mieux. Ces divers travaux et fournitures, comme d'ailleurs, si vous le désirez, l'établissement du volume tout entier, seront à ma charge. » Comme il fallait vraiment que les livres de M. Vincent se vendissent bien à Santa Felicidad. Pour la première fois, après tant et tant d'œuvres imprimées, son éditeur s'offrait de lui publier un volume à son compte à lui, éditeur, de lui acheter un manuscrit. Mais jamais pareil homme ne m'est tombé du ciel. Il mettait justement la dernière main à amante ou épouse, et en adressant la copie à M. Tripotin Rossignol, il joignit au message un de ses portraits, un daguerréotype de son jeune temps, chacun à sa coquetterie, où il était représenté rasé de frais, il n'avait jamais laissé croître sa barbe, et les cheveux ondulés et relevés avec art, l'œil inspiré, souriant et triomphant. Il ne voulait pas infliger trop grand démenti, causer trop de déception à ses ferventes lectrices, ses confiantes et délirantes amoureuses de Santa Felicidad. Plus que jamais, elles continuaient à lui darder leurs dithyrambes et leurs suppliques. Il s'efforçait de répondre à toutes galamment, gentiment et adroitement. Non seulement tous ses récits d'aventure s'en étaient allés sous ce ciel béni, mais ses anciens bouquins, sa traduction des lettres à Lucilius, ses recueils de vers, ses péchés de jeunesse, jusqu'à sa lettre à mes concitoyens, sur l'art de faire la parade, etc., avaient fini par prendre le même vol et s'abattre tout en masse sur cette rive fortunée. Des hommes aussi lui écrivaient de là-bas, des étudiants qui se proclamaient ses disciples, des professeurs et des savants qui analysaient ses livres, les prenaient, les magnifiaient, lui décernaient les plus mirobolantes épithètes, l'appelaient un des plus beaux génies, une des plus brillantes et des plus pures gloires de l'humanité. Un de ses correspondants assidus, un certain Tonio Gaspar, membre de l'Edilidad, le conseil municipal de Santa Felicitad, lui annonça un jour que sur sa proposition et en témoignage d'admiration pour l'auteur de tant de chefs-d'œuvre, le conseil du district venait de donner à la rue des Palmiers, une des artères les plus fréquentées de Santa Felicitad, le nom de Benjamin Vincent. Bien mieux, une souscription fut ouverte sous les auspices du chancelier de l'Academia de las Junducae Literae de Santa Felicitad, à l'effet d'ériger un monument en l'honneur du grand écrivain et profond penseur Benjamin Vincent. Et par le courrier suivant, le placide et obscur citoyen de Farimont-sur-Ornain apprit que cette souscription avait été close au bout de 3 jours, après avoir produit 255 850 pesos, soit plus de 1200 000 francs. C'est alors que M. Benjamin Vincent songea à exaucer le vœu le plus cher de ses nombreux correspondants de Santa Felicitad et à satisfaire aussi, il faut bien l'avouer, son plus brûlant désir. Et il décida, cette année-là, qu'après son voyage à Paris, au lieu de regagner Farimont, il s'embarquerait pour Valparaiso, malgré ses 74 printemps, irait, en monarque intellectuel, visiter ses lecteurs, se faire voir à son peuple. Déjà tout Santa Felicitad s'occupait de pavoiser ses maisons, de joncher ses rues de fleurs et d'élever dans tous ses carrefours des arcs de triomphe monumentaux. Déjà toutes ces langoureuses, capiteuses et ensorcelantes senioras s'apprêtaient à jeter le mouchoir à leurs héros et à leurs dieux, quand on apprit que Benjamin Vincent avait été frappé d'une congestion cérébrale à Bordeaux, sur le quai des Chartrons, au moment même de prendre le paquebot. Si vive que fut la déception causée à tous les habitants de l'île par ce lugubre événement, celle que ressentit Mademoiselle Caroline en cette même circonstance fut plus forte encore et plus cruelle. Sans trop même s'exagérer le prix de ses services, la complaisante gouvernante de M. Vincent Grosse-Tête était en droit d'espérer une fructueuse place sur son testament, la meilleure part du gâteau, puisque le vieillard n'avait pour héritier légitime que des cousins au troisième ou quatrième degré avec lesquels il n'entretenait aucune relation et dont il ignorait quasi l'existence. Et voilà qu'il s'avisait, le vieux fou, c'est bien le cas de le qualifier de ce titre, de laisser tout son avoir, moitié à l'hôpital de Santa Felicidad, moitié à l'académie des Yucunda et Literae de la même ville, à charge, par cette éminente compagnie, de fonder 2 prix annuels, dit prix Benjamin Vincent, destiné à récompenser l'ouvrage en prose et le volume de vers publié en français durant le cours de l'année et qu'elle jugera les meilleurs, ne réservant celle qu'il avait si fidèlement et si tendrement servie, une si belle femme, qu'une maigre rente de 500 francs par an. Ainsi s'achève, le soir d'un beau jour, par Albert Sim.